mademoiselle, donnez-moi un martini. Un martini pour qui? Pour vous, monsieur Yvan? Oui, pour moi. Donnez-moi un martini. Amenez-moi un martini. Je veux bien, mais je pensais que vous ne buviez plus depuis 15 jours. Eh bien, je vais vous dire, j'ai envie de me boire un bon petit martini. De me fumer une bonne petite cigarette et après de me faire une bonne sieste. Est-ce que vous avez compris de quoi allait parler l'émission d'aujourd'hui? Parfaitement. On va parler de ce pronom personnel, ce me, ce moi, qu'on emploie dans les phrases, mais qui n'est pas toujours absolument nécessaire. Dans le premier exemple, il l'était. Donnez-moi un martini, c'est donner un martini pour moi. Cela exprime le bénéficiaire de l'action. Hein. Commandez-moi un martini, c'est pareil. En revanche, quand je dis je vais me prendre une bonne douche, je peux aussi bien exprimer cela en disant je vais prendre une bonne douche. Le me n'est donc pas absolument nécessaire. Il sert d'intensif. Si je le rajoute, peut-être est-ce que j'exprime que je vais vraiment m'occuper de moi-même, que je vais me faire un petit plaisir. C'est moi qui m'occupe de moi. Absolument. Il y a comme un doublement de la personnalité. En tout cas, il y a cette idée qu'on l'a bien mérité, ça ajoute une touche émotive. Je vais m'allumer un délicieux cigare. Ce n'est pas toujours délicieux d'ailleurs, parce qu'on peut également se prendre une bonne paire de claques. Une bonne trempe. Oui, une bonne dérouillée. Une bonne dérouillée, exactement. Donc, la touche émotive est la même, que ça soit très agréable ou très désagréable. Ce « me » en plus sert à aller un tout petit peu plus loin dans l'extrême, si vous voulez, dans l'agrément ou bien dans le désagrément. En tout cas, que le contexte soit agréable ou désagréable, l'expression, elle, est toujours assez familière. Observons maintenant comment fonctionne la tournure. Eh bien, de près ou de loin, comme un verbe pronominal. Regardez, je vais me boire un martini. On pourrait penser qu'on a simplement rajouté « me ». Mais si on transforme cette phrase-là au passé, on va dire « je me suis bu ». Un martini. Vous voyez ici, on a une construction pronominale. On a bu quelques bonnes bouteilles, on s'est bu quelques bonnes bouteilles. Il existe même un certain nombre d'expressions toutes faites qui sont pronominales de la même façon. On s'en paye une bonne tranche. Expression tout à fait familière, on en profite. Hein. Ou même une expression là qui n'a pas encore débordé la banlieue parisienne. Il se la donne. Hein. Oh ben tu te la donnes aujourd'hui, t'as vu le manteau que tu t'es acheté? Oh, il se la donne celui-là. Très très familier. Vulgaire cette fois, mais néanmoins assez répandue, l'expression « s'en prendre plein la gueule » pour désigner qu'on a accumulé des échecs assez cuisants, ma foi. Oui, en effet, extrêmement vulgaire. Maintenant, cette utilisation des pronoms personnels sert parfois, dans un tout autre contexte, à donner des ordres, à renforcer l'injonction, le côté impérieux. Par exemple, si je dis « fais-moi une faveur », donne-moi un baiser. Avec plaisir. À ce moment-là, le pronom « moi » exprime le bénéficiaire. C'est moi le bénéficiaire. Mais si je dis « fais-moi ton lit immédiatement, rebouche-moi ce trou en vitesse, et vous allez m'éplucher ces 10 kilos de pommes de terre, et vous allez me faire le plaisir de repeindre cette barrière en noir et blanc, genre camouflage zèbre. » Mais il est évident que le « moi » ici n'est pas du tout le bénéficiaire. C'est une sorte d'élément qui, si on le traduisait, signifierait « vous allez me faire le plaisir de rangez-moi votre chambre en vitesse, vous allez me faire le plaisir de ranger votre chambre. » C'est-à-dire c'est moi qui donne l'ordre, en fait. Hein. « Prends-moi un bout de pain pour pousser. » C'est pas « prends-moi un bout de pain à la boulangerie. Hein. » »« Boutonne-moi cette chemise correctement. » »« Mets-moi ta serviette, Evelyne, t'as vu comment tu manges. » « Ah, oh, tu me la copieras, celle-là. »